est ici ou il est là, à Saint-Germain, à l'opéra. Mais il est toujours la vedette de son quartier, car c'est un garçon qui suit la mode de très près. Dans le métro, au cinéma, il est toujours montré du doigt. Certains le critiquent pour sa manière de s'habiller, car c'est un garçon qui suit la mode de très près. Mais que fait-il? Mais que fait-il? Mais que fait-il? Mais que fait-il? Il change de vêtements à longueur de journée. Un jour costume à poil, le lendemain costume à fleurs. Car c'est un garçon qui suit la mode de très près. Mais que veut-il? Mais que veut-il? Mais que veut-il? Mais que veut-il? Il veut être à l'avant-garde de la mode. Il n'est satisfait que lorsqu'il se sent supérieur, car c'est un garçon qui suit la mode de très près. Il court, il vole dans les boutiques, rue de la Pompe à République. Si vous le rencontrez, n'ayez pas peur, mais regardez, car c'est un garçon qui suit la mode de très près. Mais que fait-il? Mais que fait-il? Mais que fait-il? Mais que fait-il? Il change de vêtements à longueur de journée. Un jour costume à poil, le lendemain costume à fleurs. Car c'est un garçon qui suit la mode de très près. Mais que veut-il? Mais que veut-il? Mais que veut-il? Mais que veut-il? Il veut être à l'avant-garde de la mode. Il n'est satisfait que